passé, nous avons mentionné la description du Hajj, le Hajj du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Hajjatul Wada', pèlerinage d'adieu, Hajjatul Islam, pèlerinage de l'Islam, Hajjatul Tamam, Hajjatul Balagh. Nous avons vu que le Prophète alayhi salatu wa sallam, en Islam, a accompli un seul pèlerinage, mais avant la révélation, il a accompli sallallahu alayhi wa sallam al-hajj au minimum une fois, comme nous l'avons vu dans des hadiths authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il allait accomplir le pèlerinage et il y a eu plus de 100 000 personnes qui se sont réunies avec le prophète alayhi salat wa sallam pour accomplir ce pèlerinage. Il est sorti de Médine, donc en l'an 10, alors qu'il restait 5 nuits du mois de Dhul-Qi'da. Alors qu'il restait 5 nuits du mois de Dhul-Qi'da. Comme l'a dit Aïchatou radiallahu anha, il est arrivé à Mecca alors qu'il restait, ou bien alors qu'il s'était écoulé 4 nuits du mois de Dhul-Hijjah. Il est arrivé à Mecca alors qu'il s'était écoulé 4 nuits déjà étaient passées du mois de Dhul-Hijjah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont arrivés, ils ont fait, ils étaient en état d'ihram et le prophète alayhi salatu wa sallam avait avec lui al-hadi. Ils ont accompli la Amra. À la suite, le prophète alayhi salatu wa sallam, après avoir fait le tawaf, après avoir fait al-sa'i, il a dit aux compagnons que ceux qui n'ont pas apporté avec eux la bête à sacrifier pour le pèlerinage, qu'ils en fassent une amra, qu'ils changent de rite, qu'ils en fassent une amra pour sortir de l'état d'ihram et se remettre en état d'ihram le 8e jour du mois de Dhul-Hijjah. Beaucoup parmi les compagnons ont donc ce rite-là, al-tamattu', qui consiste à faire une amra, à sortir de l'état d'ihram, puis à faire le hajj et à sacrifier ma'adha al-hadi, et à sacrifier al-hadi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Mina le 8e jour. À Mina, il est resté jusqu'au soir, il y a dormi. Il a prié chaque prière en son temps, mais pour le Zahr, pour le Asr et pour le Isha, il a fait 2 unités au lieu de 4 unités. Le lendemain, il est parti à Arafah, donc le 9e jour du Dhul-Hijjah. Et avant d'arriver à Arafah, ils lui ont établi un campement avant. Il y est resté à mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Il a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala. Par la suite, il est sorti vers les gens et il a fait la célèbre khutbah. Il a fait la célèbre khutbah, la khutbah du jour de Arafah. Ce jour durant lequel Allah azza wa jalla a révélé un immense verset sur les musulmans. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai accompli sur vous ma religion, ou bien votre religion parachevée sur vous, mon bienfait accompli comme, et agréé comme religion pour vous, l'islam. Naam, le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à Bilal de faire les adhan et ils ont prié le zahr de rak'a. Il a ordonné de faire les iqama, il n'a pas prié entre les deux. Donc il y a eu un adhan et deux iqama. Ils ont fait également l'asr. À la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa monture et il s'est mis au pied des Sakharat et il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en levant les mains. Il a uni entre ad-du'a et le fait de dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il a dit que c'était la meilleure parole prononcée par les prophètes. Khayru ad-du'a du'a yawm Arafah. وخير ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ou bien peut-être yuhi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah seul sans associer à lui la royauté, à lui les louanges, à lui la na'am, la royauté, et il est parfaitement omnipotent. C'est la meilleure parole prononcée par un prophète, le fait de mentionner Allah Azza wa Jal, de mentionner son unicité, le fait qu'il soit le seul digne d'être adoré, tabaraka wa ta'ala, et qu'il n'a aucun associé dans cela. Wahdahu la sharika lah. Avec cette parole, tu viens appuyer, avec wahdahu, tu viens appuyer l'affirmation qui est dans illallah. Et avec la sharika lah, tu viens appuyer la négation qui est dans la ilaha. Donc quand tu dis la ilaha illallah, tu as renié le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Et tu as affirmé que le seul qui mérite d'être adoré, la seule divinité qui mérite l'adoration, c'est Allah. Puis tu dis wahdahu, pour appuyer à nouveau qu'Allah c'est le seul qui mérite d'être adoré. Et à nouveau tu dis la sharika lah pour appuyer la négation dans le droit au culte pour tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul mulk. Puis tu cites les preuves qu'Allah soit le seul à mériter l'adoration. Tu dis lahul mulk, à lui la royauté. Tout ce royaume dans les cieux, dans la terre, sur les terres, dans les mers, tout cela c'est le royaume d'Allah, c'est le seul créateur de tout ça. C'est le seul maître et propriétaire de ça. Il n'y a rien qui bouge, rien ne reste immobile si ce n'est par sa permission. Subhanahu wa ta'ala. Rien ne s'associe à Allah Azza wa Jal pour posséder le poids d'une petite fourmi, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, de royaume avec Allah Azza wa Jal. Personne ne possède avec Allah tabaraka wa ta'ala, ne serait-ce que le poids d'une petite fourmi, que ce soit dans les cieux, que ce soit dans les terres, que ce soit sur la mer. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas d'associé dans sa royauté. Lahul mulk. Walahu alhamd, à lui revient de droit l'ensemble des louanges. C'est-à-dire que tu mentionnes la description d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu mentionnes ses perfections, le cœur rempli d'amour, tu le mentionnes, ça c'est alhamd. Tu immensifies Allah azza wa jalla en faisant ses éloges par amour. Ça c'est alhamd. Lahul mulk, walahu alhamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est parfaitement omnipotent. Personne ne peut rendre Allah subhanahu wa ta'ala incapable de faire une chose. Il est parfaitement omnipotent. Il fait ce qu'il veut. Innama amru idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Son ordre, lorsqu'il veut une chose, n'est que de dire soit et elle est. Quand Allah azza wa jalla veut une chose, il dit soit et elle est. Et rien n'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a créé les cieux et la terre à partir de rien, sans exemple au préalable. Subhanallah. Badi'u samawat wal ard. Et Allah Azza wa Jalla nous fera tous mourir et il va tous nous ressusciter. Et de refaire à partir de quelque chose, c'est encore plus simple que de faire à partir de rien. Et l'ensemble est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça c'est la meilleure parole prononcée par les prophètes, kalimatul tawhid. Et le prophète alayhi salatu wa salam l'a beaucoup prononcé en ce jour de Arafa, un des meilleurs jours de l'année. Un jour dans lequel Allah Azza wa Jal sauve beaucoup de serviteurs du feu de l'enfer et les affranchit de ce châtiment, de cette punition. Le prophète alayhi salatu wa salam a énormément invoqué Allah et l'a supplié. Il levait les mains, il l'invoquait et à un moment, il a fait tomber khitam an-naqa, les rênes de la chamelle. Il a lâché une main pour récupérer na'am, pour les récupérer, mais il a gardé l'autre levé pour faire dua. Ça nous montre qu'il n'a pas été distrait, ne serait-ce un instant, subhanallah, de dua en ce jour de Araf. Donc c'est un jour de dua, c'est un jour où Allah Azza wa Jal sauve beaucoup de gens de l'enfer. Puis lorsqu'il a fini cela, il a dit, yani, lorsqu'il y a eu le coucher du soleil, il a cessé, et il a dit, je suis resté ici, le jour de Araf. Et Araf entièrement, c'est un mawqif, c'est un lieu où tu peux rester. Donc la sunna, le jour de Arafah, il n'y a pas un endroit précis. Où que tu sois à Arafah, tu as atteint la sunna. Puis, il a ordonné aux gens de partir à Muzdalifah. Il leur a dit, alaykum bis sakina. Il leur a dit, soyez, et allez avancer dans le calme, avec la sérénité, avec la quiétude, la tranquillité. Ils se sont rendus à Muzdalifah. Ils n'ont pas pris le maghrib, ni l'isha à Arafah. Mais ils sont partis au coucher du soleil à Muzdalifah. Et ça n'est qu'une fois arrivés à Muzdalifah, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Bilal de faire l'adhan et l'iqama, ils ont donc prié al-maghrib, 3 raka'at. Puis on lui a ordonné l'iqama, ils ont prié ensuite al-isha, 2 raka'at. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'est allongé. Donc à Muzdalifa, qu'est-ce que a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Il s'est reposé. Il s'est reposé. Probablement qu'il y a prié le witr avant cela, car c'était sa sunna. Il ne délaissait jamais le witr, que ce soit en étant résident ou que ce soit en mada, en voyage. Arrivé mada, dans la nuit, il a permis aux faibles de partir en avance. Dans la nuit, il a permis aux faibles de partir en avance. Sinon, il faut attendre le fajr pour pouvoir partir de Muzdalifa. Et la sunna, c'est d'attendre de voir du jour, allez, que le soleil jaunisse vraiment, que ce soit éclairé juste avant son lever. Ça, c'est la sunna. Non, tu ne pars pas durant la nuit. Sauf les faibles et ceux qui accompagnent les faibles. Ils peuvent partir de nuit, comme l'a permis le prophète, alayhi salatu wassalam. Le lendemain, le prophète, alayhi salatu wassalam, a prié al-fajr. Avant cela, sunnatul fajr. Puis, il s'est mis dans un endroit, il a invoqué Allah Azza wa Jal. Il a invoqué Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lorsque le soleil a bien jauni, mais avant qu'il se lève, il a levé le corps. Il a levé le corps. Donc la sunna Muzdalifa, c'est que tu te reposes durant la nuit. Arrivé au matin, tu pries et tu invoques Allah Azza wa Jal. Puis proche du lever du soleil, mais avant qu'il se lève, lorsque ça commence à être éclairé, à ce moment-là, tu quittes Muzdalifa. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avant de partir, il a dit, après avoir fait du'a et autres, « وَقَفْتُ هَاهُنَا وَمُزْدَلِفَ كُلُّهَا مُوْقِفِ » Il leur a dit, « Je suis resté à cette place que vous avez vue. » Mais Muzdalifa entièrement, c'est un lieu où vous pouvez rester. Donc la sunna Muzdalifa, c'est que tu sois à Muzdalifa, où que ce soit, tu n'as pas besoin d'aller à un endroit précis. Tu n'as pas besoin d'aller à un endroit précis. Sinon le prophète, alayhi wasallam, lui était à ce qu'on appelle Mash'arul Haram. Ils ont dit que c'était une petite montagne. Ils sont partis de Muzdalifa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avec lui Usama ibn Zayd, son bien-aimé, fils de son bien-aimé. Et en chemin, il lui a ordonné, donc ils ont quitté Muzdalifa, il lui a ordonné de lui ramasser cette pierre. Donc la sunna, c'est de ramasser les 7 pierres avec lesquelles celles que tu vas jeter sur la grande stèle. Parce que nous sommes là le jour du Eid, le 10e jour de Dhul Hijjah, c'est lorsque tu sors de Muzdalifa en chemin. Il n'y a pas d'endroit précis où tu les trouves. Il a dit à Usama de lui ramasser cette pierre. Il avait avec lui aussi Al-Fadl ibn Abbas. Il avait aussi avec lui Al-Fadl ibn Abbas. Et c'est Al-Fadl ibn Abbas, je me trompe, c'est Al-Fadl ibn Abbas qu'il a dit de lui ramasser cette pierre. Non, une correction concernant le cours passé qui est à venir, c'est que ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté les pierres sur la stèle à l'heure de Duha. Et c'est dans les 3 jours de Tashriq, le 11, le 12 et le 13, qu'il ne jetait que après Zawal. Que après le Zawal. Par contre, le jour du Eid, tu jettes les pierres sur la stèle au moment où tu arrives. Que ce soit Duha, que ce soit avant, que ce soit après. Ça, c'est une correction que je mentionne relative au cours passé. En chemin, le prophète, alayhi salatu wassalam, a donc demandé à Al-Fadl ibn Abbas, son cousin, de lui ramasser cette pierre. Il lui a ramassé cette pierre. Certaines personnes, par ignorance, prennent les pierres et elles récitent sur les pierres. D'autres lavent les pierres. Et cela n'est pas légiféré. Parce que ce que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait en adoration, nous n'avons pas le droit de le faire. Parce que la religion est complète. La religion est parfaite. Et notre exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il a fait, c'est la religion. Il a parfaitement tout transmis. Ce qu'il n'a pas fait hier n'entrera pas dans la religion aujourd'hui. Il est arrivé donc à la grande stèle, Jamaratul Aqaba, et il a jeté cette pierre. Et c'est à l'heure du Duha, lorsque le soleil s'est bien levé. Il a jeté cette pierre. Il y avait avec lui Usama ibn Zayd et Bilal radiallahu anhum. L'un des deux tenait la chamelle du prophète alayhi salatu wassalam, et le deuxième le couvrait de son vêtement pour le protéger de la chaleur, pour le protéger du soleil. De cela, les savants ont tiré que il n'y avait pas de mal à ce que le pèlerin, bien qu'il n'ait pas le droit de couvrir sa tête avec un vêtement, comme cela le Konansua par exemple, bien qu'il n'ait pas le droit de porter ses vêtements, il n'y avait pas de mal à ce qu'il se couvre d'au-dessus de sa tête avec un drap ou autre, ou avec un parasol par exemple. Il n'y a pas de mal, et ça n'est pas détestable. Ça n'est pas détestable. L'interdiction étant de mettre le vêtement directement sur la tête, de se couvrir directement la tête pour les hommes. En état d'ihram, ceci n'est pas permis, tout comme le parfum n'est pas permis. Donc il a jeté cette pierre. À chaque fois qu'il jetait une pierre, il disait « Allahu Akbar ». En même temps qu'il jetait la pierre, il disait « Allahu Akbar ». Et il en a jeté sept. Il a informé sallallahu alayhi wa sallam que pour chaque pierre jetée, Allah subhanahu wa ta'ala effaçait au pèlerin un grand péché min al-mubiqat. Al-mubiqat et al-mumlikat. Un grand péché parmi les péchés qui en général causent la perte, la destruction du serviteur. Donc ça, c'est un énorme bienfait qu'Allah azza wa jalla accorde au pèlerin. C'est que ce jour-là, il jette sept pierres. On lui efface donc sept grands péchés parmi les péchés gravissimes. Le 11e, le 12e, le 13e, il jettera à nouveau cette pierre, mais sur les trois stèles. Sur les trois stèles. Wa hadha fadlullah. Yu'tihi man yasha, wallahu dhul fadl al-'azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est donc arrivé à la stèle la plus proche de Mecca, la grande, et c'était l'heure de Ad-Duha. Et ce temps-là n'a pas été visé. C'est seulement le moment auquel il est arrivé. Ainsi, celui qui arrive un peu avant, un peu après, ou beaucoup après, il n'y a pas de mal à ce qu'il jette ses pierres sur la stèle. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pour ce seul jour, le jour du Eid, il a adopté un endroit précis pour jeter les pierres. Pour ce seul jour. Mais pas pour les trois autres jours. Le 11, le 12 et le 13. Mais pour le jour du Eid, il a mis Mecca à sa gauche. Et il a mis Mina à sa droite. Donc il était dans la position dans laquelle je suis moi actuellement. Naam. C'est-à-dire que lorsque tu vas être en face de la stèle, tu seras comme je suis là. Mecca, ça sera par ici. Mecca sera par ici. Naam, du côté des escalators, de la... Il y a la montagne qui descend, la pente qui descend. Et Mina sera à ta droite. Mina sera à ta droite. Et la stèle en face de toi. Donc il a mis Mecca à sa gauche. Il a mis Mina à sa droite. Et il a pris sept pierres et il les a jetées une par une à la suite. Successivement, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'à la septième pierre. À ce moment-là, il a fait une chose qui a marqué dans le Hajj. Jusqu'à présent, à chaque déplacement, depuis Al-Miqat, il prononçait Al-Talbiya, n'est-ce pas? Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika laka. Après avoir jeté la septième pierre sur la grande stèle, il a arrêté la Talbiya. Donc le dixième jour de Dhul-Hijja, lorsque tu jettes les pierres sur la grande stèle et que tu as fini cela, tu cesses la talbiya. Et il n'a pas dit Bismillah Allahu Akbar lorsqu'il jetait les pierres sur la stèle. Mais il a simplement dit Allahu Akbar. Hadi sunna. Voici la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit aux compagnons, prenez de moi vos rites. Apprenez de moi vos rites. Je ne sais pas. Probablement que l'année prochaine, je ne serai pas là. Naam, en cela, il faisait ses adieux. Comme s'il préparait Sahaba à la séparation. Et il les encourageait à apprendre de lui avant son départ. Ainsi, on doit être avec les ulama, qui sont eux les héritiers des prophètes. On doit prendre et puiser de leur science avant leur décès. La première chose qu'il fit donc ce jour-là, jeter les pierres sur la scène. Ensuite, il est parti au lieu de sacrifice. Il a pris ses bêtes, il en avait 100. Et il a sacrifié les chameaux ou les chamelles. Il en a sacrifié de sa noble main 63. Sallallahu alayhi wa sallam. 63 de ça. Puis il a donné le reste à Ali ibn Abi Talib, qui lui aussi avait des chameaux, le prophète l'a associé dans le reste. Et il les a sacrifiés. Il l'a associé dans une partie. Il les a sacrifiés. Donc le prophète en a sacrifié 63. Et Ali ibn Abi Talib 47. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on prenne une partie de chaque viande sacrifiée pour Allah azza wa jalla, qu'elle soit cuisinée, afin qu'ils en mangent. Afin qu'ils en mangent. Il leur a dit, Mina, tout entier, c'est un lieu où on peut sacrifier. Je sacrifie ici, Mina, tout entier, c'est un lieu où on peut sacrifier. Et on peut sacrifier ce jour-là, on peut sacrifier le 11e, le 12e, le 13e. C'est-à-dire, fi ayyam at-tashriq. Ces jours-là, il n'est pas permis aux pèlerins de jeûner. Sauf pour celui qui n'a pas la bête. Sauf pour celui qui n'a pas la bête. Sinon, à la base, il n'est pas permis aux pèlerins de jeûner ces jours-là. Troisièmement, le prophète alayhi salatu wassalam s'est rasé la tête. Il a commencé par le côté droit. Et c'est la sunna. Il a commencé par le côté droit. Et même si cela ne fait pas partie de ses habitudes, et que tu as une belle chevelure, toi, l'homme, et que tu as mis du temps à avoir ses cheveux et que tu as pris soin de tes cheveux, ça n'est pas blâmable que de se raser la tête. Et tu n'as qu'à penser, imaginer que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la mère des créatures d'Allah, qui a fait cela, qui nous a montré cette chose. Certains se disent, j'aimerais le faire, mais je vais retourner auprès des miens. Ou mon épouse n'aime pas cela, ou mon patron, ou mon, subhanallah. Le prophète alayhi salatu wa sallam a fait dua pour ceux qui se rasent la tête. Trois fois. Et pour ceux qui diminuent, une fois. Donc ça, c'est une sunna, c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Applique-la. Applique-la. Et dans le cas contraire, alors diminue de parts égales ou à partie égale de chaque endroit de ta tête. Il a donc jeté les pierres sur la scène. Il a sacrifié les bêtes. Il s'est rasé la tête. Il nous est mentionné dans les textes que Aïcha l'a parfumé. De cela, les savants ont tiré qu'il est sorti de l'état d'Ihram. Il est sorti de l'état d'Ihram. Tahal. Donc, la sunna, c'est d'abord d'enlever l'Ihram, le vêtement d'Ihram, de se préparer pour aller faire le tawaf. Tawaf ul-ifad. Tawaf du hajj. Parce que si elle l'a parfumé, ça veut dire qu'il est sorti de son Ihram. Parce qu'en état d'Ihram, tu n'as pas le droit de mettre du parfum. Ainsi la sunna, tu vas te préparer, tu te laves ainsi de suite, tu remets tes vêtements, ton kamis et autres, et tu vas à la Kaaba faire ton tawaf. Tu vas à la Kaaba faire ton tawaf, comme l'a fait le prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète alayhi salatu n'a pas fait le sa'i après. Pourquoi? Parce que lui, son rite, c'est pas de tamattu. Quand tu fais de tamattu, lorsque tu arrives, tu as fait le tawaf, tu as fait sa'i, tu as diminué tes cheveux. Tu as fait une umra complète. Puis tu sors d'état d'ihram. Par contre, al-mufrid, par contre, al-qari, eux, ils ont un sa'i à faire. Donc, s'ils ont fait sa'i après tawaf al-qudum, ils n'ont pas besoin de refaire le sa'i le 10e jour ou par la suite. C'est pour cela qu'il, du fait qu'il avait déjà fait sa'i après son tawaf lorsqu'il est arrivé à Mecca, il n'a pas eu besoin de refaire un sa'i après avoir fait le tawaf du hajj, qu'on appelle tawaf al-ifad. Par contre, toi qui vas faire le tamattu', c'est-à-dire que tu vas faire l'amra, sortir de l'ihram, puis faire le hajj, tu vas faire ton tawaf, ensuite tu vas refaire sa'i. Ensuite tu vas refaire le sa'i, parce que ça c'est le sa'i du hajj, et avant c'était celui de la de la Umrah. Donc tu fais comme tu as fait pour la Umrah. Par la suite, le prophète alayhi salatu wassalam est revenu à Amina. Et il a donné du temps aux gens pour leurs questions, pour les orienter. Et toute personne qui lui disait, ya Rasulallah, j'ai pas fait attention, je me suis rasé la tête avant d'avoir sacrifié, je me suis rasé la tête avant d'avoir jeté les pierres, j'ai fait cela avant ça, ou j'ai fait sa'i avant tawaf, ou. Rasulallah disait dans tout cela, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Ainsi, les savants disent, convient aux savants et à la personne qui a de la science de faciliter aux pèlerins selon la facilité qu'Allah leur a donnée. Par contre, après cette facilité, il n'y a que le laxisme et la négligence. La facilité, c'est le dîn. La facilité, c'est ce qu'Allah nous a légiféré. Tu ne vas pas dire aux gens une chose qu'Allah n'a pas permis, que c'est permis. Donc, tu facilites aux gens selon la facilité qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordée. Puis le prophète alayhi salatu wassalam est resté à Mina. Le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour. Deux jours comme deux nuits. Deux jours comme deux nuits. Bien que c'est permis de sortir de Mina. D'aller par exemple à Mecca ou à l'hôtel ou autre. Mais tu as l'obligation de passer une partie de la nuit ou la moitié de la nuit. Ou la plupart de la nuit on va dire. Ou la moitié de la nuit nous allons dire. À Mina. Ça c'est une obligation. Quant au prophète alayhi salatu wassalam, lui, il a fait l'excellence et le meilleur à faire. C'est qu'il est resté à Mina. Il mentionnait Allah, il faisait du dhikr et autres. Et il allait une fois par jour, une fois le zénith, une fois arrivé au zénith, une fois par jour, il allait jeter les pierres sur les trois stèles, sept chacune. Sept chacune. Et ce temps-là, par contre, est légiféré. Et il est déterminé. Tu n'as pas le droit de jeter les pierres avant le zénith. Parce qu'en fait, il n'a jamais fait cela, il n'a permis cela à personne. Il n'a permis cela à personne. Pour ces trois jours-là, il n'y a pas de position précise. Mecca à droite ou Mina à droite ou autre, pour jeter les pierres. Il n'y a pas de choses particulières qui ont été mentionnées de ce concept. Ainsi, tu te positionnes où tu veux et tu jettes les pierres sur les trois stèles, sept chacune et tu dis Allah. Par contre, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir jeté les pierres sur la première, il s'est mis sur le côté, à droite, il a laissé la stèle à gauche, s'est dirigé en direction de la Qibla, et il a fait du'a en levant les mains très longuement. Donc la sunna, après avoir jeté les stèles sur la première, jeté les pierres sur la première stèle, ainsi que sur la deuxième, c'est de faire un dua très longuement, en levant les mains comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu sors avant le zawal, il ne faut pas jeter les pierres avant le zawal. Tu attends. Tu attends que le zawal entre, à l'heure du zawal si vous voulez, et à ce moment-là, vous pouvez commencer à jeter. Et tu peux y aller dans la journée, tu peux y aller dans la soirée, il n'y a pas de mal. Prophète sallam, sachez qu'il a fait ça avant même de prier le zawal. Avant même de prier le zawal. Puis il a jeté les stèles sur la troisième, elle a jeté les pierres sur la troisième stèle, et il est parti. Et on rentre à Mina. Ça fait un circuit, vous verrez, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah nous inscrive au nombre des pèlerins de cette année et de chaque année à venir, Inch'Allah, dans les meilleures conditions. Ça fait comme un U. Donc tu arrives de Mina, d'accord, il y a un circuit, tu arrives là, et tu jettes les pierres sur As-Sura, la petite, puis la El-Wusta, la médiane, puis El-Kubra, la grande, et ensuite tu reviens vers Mina, vers ton campement. Ça fait un U comme ça, c'est un circuit. En la grâce d'Allah Azza wa Jalla, les autorités saoudiennes ont excellé dans le développement de cet endroit, ont aménagé de la meilleure manière, ont fait un étage, Puis ils ont fait désormais un deuxième, voire un troisième étage pour que ce soit sécurisé. Et on n'entend plus ce qu'on entendait avant. Ce jour-là était un jour terrible pour beaucoup. Il y avait beaucoup de décès. Alhamdoulilah. Donc le prophète revenait à Mina. Il revenait à Mina, il priait chaque prière en son temps, en faisant Mada sans faire le jama, sans unir les prières, il faisait At-Taqsir. Il est resté même le 13e jour, qui n'est pas obligatoire. Celui qui veut sortir le jour d'avant, le 12e, il peut avant une certaine heure. Dans le cas contraire, il va ajouter le 13e jour. Le prophète alayhi salatu wa salam a ajouté le 13e jour. Arrivé au zénith, il est parti lapider, pardon, il est parti jeter les pierres sur les trois stèles, comme il l'a fait le 11e et le 12e jour. Et il n'a pas pris le Zahr à Mina. Lui, il est parti à Mecca. Lui, il est parti à Mecca. Il a dit aux compagnons de faire en sorte que la dernière action à Mecca soit Tawaful Wada', le Tawaf d'Hajj. C'est lorsque tu as fini tout ce que tu as fait, finis pas être Tawaf. Il a permis aux femmes ayant leur menstru ou leur lochi de partir directement. Donc cette obligation tombe pour la femme qui est indisposée. À ce moment-là, Aïcha radiallahu anha est venue le voir et elle lui a demandé la permission d'effectuer une Umra. Cela car elle, à l'arrivée à Mecca, elle était indisposée, elle n'a donc pas pu, ou avant d'arriver à Mecca, elle était indisposée, elle a eu ses menstrues, elle n'a donc pas pu faire l'Umra. Elle a donc changé de rite, ou bien elle a été Qalila, elle a fait rentrer l'Umra dans le Hajj. Ici, elle a demandé au prophète alayhi salatu wasalam la permission de faire l'Umra. Il lui a dit d'appeler le Hajj, c'est suffisant. Elle a beaucoup insisté, puis elle a dit, comment ça? Mes co-épouses, mes petites amies vont entrer, soit Ihibat, ils vont entrer à Al-Madina avec une Umra et un Hajj, et moi je vais rentrer seulement avec un Hajj. Lorsque le prophète a vu son assistance, il était facile à vivre, il lui a permis de faire cette Umra-là, et il a dit à son frère Abdurrahman de la condamner. Ils étaient plus de 100 000, ils l'ont attendu, ils n'ont pas refait une Umra. De cela, ça n'est pas particulièrement une sunnah que de faire une Umra après le Hajj. Même si c'est valable pour celui qui l'a fait, mais on n'encourage pas à cela. Parce que le prophète ne l'a pas fait. Les sahaba ici dans le hadith ont attendu. Même Abdurrahman, radiallahu anhu, qui a accompagné sa soeur Aïcha, radiallahu anhu, n'a pas refait une Umra. Donc ils sont sortis du périmètre sacré. Ils sont re-rentrés. Elle s'est mise en état d'ihram. Ils sont re-rentrés. Elle a fait la Umra. Le prophète alayhi salatu wasalam est parti établir son campement à un endroit précis. Il rapporte que c'est l'endroit dans lequel les associateurs s'étaient réunis pour faire le traité contre le prophète alayhi salatu wasalam. Tardivement dans la nuit, au milieu de la nuit, Aïcha radiallahu anha a fini sa umra et elle est revenue au prophète alayhi salatu wasalam. Puis le prophète alayhi salatu wasalam a informé qu'il allait bientôt quitter le camp, c'est-à-dire revenir à Al-Madina. Arrivé au Fajr, le prophète alayhi salatu wasalam est parti prier le Fajr à la Kaaba. Et dans le hadith de Ummu Salama, radiallahu anha, il a prié, les hadiths de Bukhari et Muslim, il a prié le Fajr à la Kaaba. Et il y a récité Wattur. Il y a récité Surat Tur. Ummu Salama était malade. Et le prophète alayhi salatu wasalam a ordonné aux gens avant de partir de Mecca de faire quoi? Tawaful Wada'. Mais elle était malade et souffrante. Elle a donc informé le prophète alayhi salatu wasalam de son état. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit de prendre une monture, de se mettre en retrait, donc derrière, et de faire son tawaf sur une monture. Faire son tawaf sur une monture, sur un cheval, sur un chameau. C'est ainsi qu'elle fit donc, radiallahu anha. Puis, ils sont partis, ils sont entrés à Médine. En chemin, il a rencontré des gens. Il leur a dit, qui êtes-vous? Ils ont dit les musulmans. Et vous, qui êtes-vous? Nous sommes les musulmans, voici le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. là, une femme qui portait un petit enfant l'a levé et a dit, Ya Rasulallah, Ali hada hajj, au messager d'Allah, est-ce que lui, il a un hajj? Parce qu'elle l'a emmené, elle a fait le hajj, elle lui a fait faire. Elle a dit, Na'am, wala ki ajr. Il lui a dit, oui, et toi aussi, t'as la récompense. Toi aussi, t'as une récompense. C'est les parents à cause. Les parents qui emmènent les enfants à Umrah ou bien en hajj, ils ont la récompense. Ils ont la récompense. L'enfant a la récompense. Mais ça ne lui vaut pas pour le pèlerinage de la Umrah d'Islam. Une fois pubère, il devra refaire une Umrah, il devra refaire un hajj. Mais ça, c'est une grande cause de piété pour l'enfant. C'est une grande cause pour qu'il grandisse dans le bien. Subhanallah. C'est que dans ses premiers jours, étant enfant, il aura ce puits de souvenirs de piété. Al-Ka'ba, Al-Tawaf, Al-Sa'i, les lieux, yani ces lieux-là, il aura marché le prophète, alayhi salatu wassalam, donc on espère énormément de bien pour celui qui emmène ses enfants à l'Umrah, particulièrement. Quant au Hajj, ça peut être yani difficile, il faut que l'enfant soit vraiment capable. Il faut que l'enfant soit vraiment capable et que les parents soient vraiment endurants. Je trouve cela chez Ahmad à d'autres origines. Beaucoup emmènent des enfants. Ahmad, tu trouves cela très peu chez, c'est très rare chez les Européens. Très rare chez les Européens. Et Inch'Allah, on emmènera nos enfants fil hajj, bi'idhnillah azza wa jalla. En chemin, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est également arrêté à un endroit et il a fait une khutba. Et parmi ce qu'il leur a dit, après avoir lu Allah azza wa jalla, avoir fait ses éloges, il leur a dit, ayyuhan nas, liamma ba'd ayyuhan nas, ô vous les gens, fa innama ana bashar, sachez que je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un humain. Yushiku ayyatiyani rasulullah, ou rasulun min indillah, il s'en faut de peu pour qu'un messager venant de la part d'Allah m'arrive, me vienne, il s'en faut de peu, c'est-à-dire l'ange de la mort, c'est-à-dire l'ange de la mort. S'en faut de peu pour que je quitte ce bas monde, pour que je me sépare et que je me sépare. Il s'en faut de peu pour que le messager envoyé par Allah me vienne et que je lui réponde. Et que je lui réponde. Et je vais laisser auprès de vous deux choses très lourdes. La première, le livre d'Allah. Vous ne vous égarerez jamais tant que vous y resterez cramponné. Le livre d'Allah, prenez-le et accrochez-le. La deuxième chose, il leur a dit, je vous uzakirukum Billah fi ahli bayt. Je vous rappelle Allah sur les gens de ma femme. Sur les gens de ma femme. Les gens de la femme du Prophète sont ceux qui n'ont pas le droit à l'aumône, à la sadaqa. Yani plus ses épouses. Radiallahu anhun. Voici le pèlerinage du Prophète alayhi salatu wassalam que nous avons révisé et détaillé. Après cela, quelques mois après, donc vous le Hijjah, c'est à la fin de l'année, comme vous le savez, il y a l'événement suivant, qui est, on peut dire, l'avant-dernier grand événement en étudiant Sirah, majeur, j'entends par ça. Wa huwa ba'thu Usama ibn Zayd radiallahu anhu. C'est la dernière sariya vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Il a envoyé Usama ibn Zayd et la Sham. Et il l'a mis à la tête de l'armée. On appelle donc cela sariyatu ou bien ba'thu Usama ibn Zayd radiallahu anhuma. Il est à noter que c'est le dernier bataillon envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la dernière arme. Si ce n'est qu'Allah azza wa jal a voulu et a décrété que cette armée n'allait pas sortir du vivant du prophète alayhi wa sallam. Pourquoi cela? Parce que sa maladie s'est intensifiée. Et lorsqu'elle a atteint le plus haut point, les compagnons ont divergé. Est-ce qu'ils allaient sortir ou est-ce qu'ils allaient rester? Et cela a duré jusqu'au décès du prophète alayhi salatu wassalam, comme on l'étudiera dans le prochain cours, Inch'Allah. Donc, ils ont levé cette armée, se sont préparés, se sont mis dans un endroit précis. Mais au final, ils sont revenus. Pourquoi? Parce que le Prophète est tombé très malade et ça n'a fait que s'amplifier. Ça n'a fait qu'amplifier, pardon. Vers quelle destination a été envoyé Oussama ibn Zayd par le Prophète alayhi salat wa salam? Vers un endroit qu'on appelle Ubna, et c'est en direction du Sham. Quand on dit Sham, c'est-à-dire Lubnan, Souria, ces endroits-là. Sham, c'est la région qui comprend Maada, le Liban, la Syrie et leurs environs. C'est ça qu'on appelle Sham. Cet endroit, sachez que c'est en direction de l'Balqa, et si vos souvenirs sont bons, c'est le même endroit auquel avait été envoyé auparavant qui? Son père, Zayd ibn al-Harith. Pour quelle razwa, pour quelle salir? Razwatu Mu'tar, dans laquelle le Prophète sallam a, pour une première, dit que l'amir sera Zayd. Et si Zayd décède, alors ça sera Ja'far ibn Abi Talib. Et si Ja'far décède, alors ça sera Abdullah ibn Rawah, radiallahu anhu, Jaishul Umara. Donc c'est en cette direction. C'est pour cela que certains savants ont dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a envoyé des suites de cela. Des suites de cela, car ils ont tué des compagnons, ces gens-là, car ils ont semé le trouble, ces gens-là. Alors il les a envoyés dans cette direction. À la kulli hal, le troisième point, la date de cette sariya. La date de cette sariya. Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala nous dit, ça a eu lieu en l'an 11, après l'Égypte, vers la fin du mois de Safar, alors qu'il est resté 4 jours. En l'an 11, après l'Égypte, alors qu'il restait 4 jours du mois de Safar. C'était un lundi. Si ce n'est que la plupart de ce qui a été rapporté dans ce sujet-là est sans chaîne de transmission. Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, intitulé un de ses chapitres dans son sahih, son jami' sahih, Bab ba'ath al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Usama ibn Zayd imaradhi alladhi tuwfiya fihi. Le chapitre de l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam de Usama ibn Zayd dans sa maladie suite à laquelle il décéda. Donc on sait que c'est vers cette période. Mais les savants ont divergé sur la cause de l'envoi. Pourquoi est-ce que le prophète a envoyé Usama ibn Zayd vers Al-Sham? Beaucoup de savants ont mentionné différentes paroles. Le point suivant, c'est qui avait-il dans ce djaïch, dans cette armée? Il y avait la plupart des muhajirs et les grands sahaba, radiallahu anhu. Parmi eux, comme l'on dit sahaba, il y avait Omar ibn Khattab. Il y avait aussi Abu Bakr. Et ça, c'est sujet à divergence. Car on sait que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à Abu Bakr de présider la prière durant sa maladie. C'est pour cela qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala était catégorique sur le fait qu'il n'y avait pas Abu Bakr dans l'armée. Et d'autres parmi les savants disent, il y avait Abu Bakr dans l'armée. Comment est-ce qu'on peut joindre alors entre le fait qu'il lui a ordonné de prier dans sa maladie de mort et le fait qu'il était mentionné dans l'armée? Qu'au début, il était dans l'armée. Mais que lorsque la maladie du prophète s'est intensifiée et qu'il a reçu l'ordre à ce moment-là, il est rentré à Médine et il a présidé la prière. Quoi qu'il en soit, il y avait parmi eux les grands compagnons. Et il y avait parmi eux Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu et d'autres parmi les grands sahabes. Qui était le responsable? C'était Oussama ibn Zayd à la tête de l'armée. De cela et savants ont cité beaucoup de leçons. Sachez que chez les Arabes, c'était improbable et impensable qu'un ancien esclave soit à la tête d'une armée et dans des hauts postes à responsabilité. Et probablement, vous savez pour la plupart d'entre vous que Usama is the Zayt, et que ce sont des mawali, c'est-à-dire des affranchis, des anciens esclaves. Pourtant, le prophète alayhi salatu wassalam met Usama ibn Zayd à la tête d'une armée dans laquelle il y a qui? Omar ibn Khattab, qui sans divergence est meilleur que Usama, et que même son père Zayd radiallahu anhu, et que la plupart des sahaba, Allahumma illa Abu Bakr Siddiq, l'ensemble des sahaba, Omar est meilleur que, si ce n'est Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. De cela, dans cela, tu vois que le prophète sallam faisait primer le din sur toute coutume, sur toute habitude. Et de là, tu vois qu'il y a une leçon pour les peuples auxquels a été envoyé le prophète alayhi salatu wassalam, que ce soit les Arabes, que ce soit les Africains, que ce soit les Européens, que ce soit les Chinois ou autres. C'est que chacun a sa coutume et qu'il n'y a pas de mal dans cela. Et que ça fait la richesse de la personne. Ça développe des capacités et des comportements et des manières. Néanmoins, le dîn, la religion de la personne, prime sur ses habitudes, sur ses coutumes et autres. Car c'est Allah Azza wa Jal qui a décidé de cela. C'est Allah Azza wa Jal qui a envoyé le messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui nous a ordonné de prendre ce qu'il nous a donné et de nous abstenir devant ce qu'il nous a interdit. Ici, le prophète alayhi salatu wa sallam vient casser une grosse habitude qu'il y avait chez l'arabe. C'est quoi? C'était qu'un maoula ne pouvait être à la tête. Tout comme il ne pouvait pas épouser une femme noble. Ben le prophète a cassé tout ça. Il a montré que l'homme est, de par sa noblesse de dîn, pas par son nom seulement. Et s'il a les deux, فَبِهَا وَنِعْمَةٍ إِنْ شَكَرَ رَبَّهُ. S'il a les deux, c'est un bien. Et s'il est reconnaissant vers Allah Azza wa Jalla pour ses bienfaits. Donc, tu vois ici qu'il convient au chef de la tribu, il convient au savant que de mettre en place la religion d'Allah Azza wa Jalla, de la propager et de la faire, et yani primer sur les habitudes des gens. Mais avec science et avec sagesse. La personne, elle ne rentre pas chez elle, elle essaie, c'est haram, maintenant il faut faire comme ça. Non, on ne va pas accepter du tout. Mais, billati ahsan, bil hikma, wal maw'idati hasana, wal ilm nafi', wal amal salih, et ainsi de suite. Et cette leçon-là, on l'a vu dans de nombreux passages de la sira du prophète, alayhi salatu wassalam. Une deuxième grande leçon qu'on tire, c'est que l'ancien esclave peut être à un poste de haute responsabilité, même s'il ne fait pas partie des nobles, alors qu'il y a sous ses ordres plus nobles que lui, et même plus meilleur que lui. Ici, la sagesse qu'on mentionne, c'est quoi? C'est que tu peux mettre une personne apte à un poste, même si, avec lui, dans ce rôle-là, dans ce travail-là, sous ces ordres-là, il y aura qui? Il y aura des hommes qui sont meilleurs que lui. Parce que ici, qui est-ce qui a l'imra? C'est Usama. Et qui est-ce qu'il y a dans? Parmi l'askar, il y a Omar ibn Khattab et d'autres parmi les sahab. Donc, je peux mettre une personne à un poste, alors qu'il y a des autres personnes, qui sont meilleures que lui. À partir du moment où lui, il est apte. Il est capable et il est apte. Une troisième grande leçon, c'est qu'on peut mettre un jeune à une haute responsabilité alors qu'il y a des plus âgés que lui qui sont présents et aptes. Parce que Usama, radiallahu anhu, les savants ont divergé sur l'âge qu'il avait à ce moment-là. Savez-vous quel âge il avait, subhanallah? Certains ont dit 18 ans. Certains ont dit 18 ans. Allahu Akbar. Et cela nous amène au point suivant. C'est que certains parmi sahaba, ou certains parmi ceux qui ont été présents, ont parlé sur l'imra de Usama. C'est-à-dire qu'ils ont émis des paroles relatives à la capacité de Usama à avoir ce poste. Ou bien que autre que Usama soit plus apte à avoir ce poste. C'est pour cela qu'on trouve dans les textes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a repris sur ça. Et il a blâmé à ce sujet. Et il a clamé son amour pour Oussama radiallahu anhu. Tout comme c'était le cas pour son père encore plus avant lui. Donc, l'armée d'Oussama s'est réunie à un endroit précis, qu'on appelle Al-Jurf. C'est un quartier de Médine. Dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, on trouve que certains ont parlé sur donc, le statut de Oussama à être à la tête de l'armée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a repris comme dans le Bukhari Muslim. Et il leur a dit, si vous parlez, critiquez le poste que Oussama a, certes, vous avez fait de même avec son père auparavant. Et par Allah, il était parfaitement apte. C'est-à-dire Zayd, radiallahu anhu, son père, il était parfaitement apte à avoir ce rôle. Et il était un de ceux que j'aimais le plus. Et désormais, un de ceux que j'aime le plus, après lui, après Zayd, c'est lui, c'est-à-dire Oussama. Deux choses ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur reproche d'avoir parlé au sujet du poste de Oussama radiallahu anhu. Deuxièmement, il parle de son père et dit qu'ils ont fait cela auparavant concernant son père. Et deux réponses à cela. La première, c'est affirmer qu'il est apte. Et la deuxième, c'est mentionner son amour. Le prophète sallam n'aime que ceux qui sont bien. Il n'aime que les croyants. Il n'aime que les gens sincères. Et son cœur ne penche que vers le bien et les gens de bien. Ainsi, c'est une tezkia pour Zayd. Ils sont la thèse de sa pureté et de sa piété. Et c'est également une tezkia pour Oussama, son fils, radiallahu anhu. On atteste de sa pureté et de sa sincérité et de son caractère apte à ce rôle. Le prophète alayhi salatu wassalam ne dit pas simplement qu'il l'aime, mais il nous dit parmi ceux qu'il aime le plus, subhanallah, parmi ceux qu'il aime le plus, radiallahu anhum, assurément celui qui a retenu l'amour du prophète alayhi salatu wassalam à ce point aura certes réussi, car le prophète sallam n'aime que ce qui est bon et les gens qui le sont. Les savants ont discuté sur la cause. Pourquoi est-ce que certains ont parlé? Et qui sont ceux qui ont parlé? Certains ont dit que ce sont des hypocrites. Certains ont dit que c'était les hypocrites. D'autres ont dit, certains parmi les petits compagnons. وَهَكَدَا اللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. Les causes évoquées sont qu'il n'était pas un des nobles de Quraysh, qu'il n'était pas un des nobles de Médine, et que l'habitude chez les Arabes était de mettre à ce rang-là, à ce poste-là, une personne qui avait une grande place dans la société, un noble. La deuxième cause mentionnée est son jeune âge. Il fut dit qu'il avait 18 ans ou proche de cela. Et en effet, pour nous à notre époque, l'enfant de 18 ans est un enfant. L'adulte de 18 ans, car après 15 ans, on est forcément mais au jour d'aujourd'hui, effectivement, je trouve que l'homme de 18 ans est un enfant. Je trouve même que l'homme de 20 ans, 25 ans, marié, reste un enfant, faible de dit, faible de cœur, faible de membres, faible pour chercher la subsistance, faible pour nourrir sa famille, faible pour préserver sa salade, faible pour délaisser les dhunoub, les péchés. Quant au sahaba, c'était l'élite, chez l'élite, à toute catégorie. Chez les personnes âgées, c'était l'élite. Chez le kouhoun, ceux qui ont dépassé la quarantaine, c'était l'élite. C'est le shabab, chez les jeunes, chez les petits, chez les grands, chez les hommes, chez les femmes, c'était l'élite. Dans tous les domaines, ils étaient les meilleurs. Radiallahu anhum. Le point suivant, les savants ont parlé du nombre de cette armée. Il y a eu plusieurs avis, mais je n'ai pas vu de choses authentiques à ce sujet. Certains ont dit, à un niveau, plusieurs ont dit 3000 hommes. Il y avait dans cette armée 3000 hommes. D'autres ont dit plus, d'autres ont dit moins. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, retenait cet avis. Oussama ibn Zayd a levé son armée. Mais Umm Ayman, radiallahu anha, l'informa de l'état critique, si on peut dire ainsi, devant Maqam al-Nubuwa, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que sa maladie ne cessait de s'accentuer, et qu'on voyait les signes précurseurs du décès sur la personne du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il s'est arrêté. Et les sahabes ont commencé à diverger. Le prophète nous a ordonné de partir. Mais le prophète est mourant. Est-ce qu'on sort vers Hachin? Est-ce qu'on revient à Médina sans quérir de l'état du prophète? Est-ce qu'on reste à notre position? Ils ont divergé forcément. Au final, ils n'ont pas quitté la ville où ils sont revenus alors que le prophète était sur le point de mourir. Et comme on l'étudiera, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, dans la maladie de mort du prophète alayhi salat wa salam, la plus grande épreuve qui frappa la communauté musulmane et l'ensemble des communautés en réalité, le décès du prophète alayhi salat wa salam, on verra que Oussama ibn Zayd a réussi à revenir, à atteindre le prophète salam alors qu'il était vivant chez Aisha radiallahu anha. Et on verra que le prophète salam lui a fait mine d'avancer et qu'il a mis ses mains sur son visage sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a et qu'il bougeait les lèvres. Na'am, il mettait ses mains sur le visage de Oussama subhanallah. Na'am, il bougeait les lèvres, il était tellement malade qu'il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait presque pratiquement plus parler, il ne pouvait plus se tenir debout pour aller à la mosquée pour prier. Mais subhanallah, Allah azza wa jalla a voulu le khair pour Oussama ibn Zayd. C'est que il garda son messager en vie et Oussama a réussi à revenir. Il a réussi à rentrer chez Aïcha radiallahu anha, il a réussi à visiter le prophète sallam dans sa maladie de mort, et il a réussi à prendre de cette baraka les invocations du prophète sallam, très peu de temps avant son décès. Il a mis ses mains sur son visage, et il bougeait les lèvres, et il a invoqué en sa faveur. Il a fait du'a pour Oussama radiallahu anha, radiallahu anhu, wa an abi an sahaba, wa an sahabati ajma'in, wallahu a'lam wa sallallahu wa barik, ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله تعالى la semaine prochaine, donc vendredi, on étudiera un des passages les plus difficiles qu'il soit, un des passages les plus les plus sensibles qui soient à écouter, à mentionner, à lire ou à enseigner. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.